Le lion. Première fable du livre 11 des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le lion. Sultan Léopard, autrefois, eut, se dit-on, par maint aubaine, force bœuf dans ses prés, force cerf dans ses bois, force mouton parmi la plaine. Il naquit un lion dans la forêt prochaine. Après les compliments, et d'une et d'autre part, comme entre grands il se pratique, le sultan fit venir son vizir le renard, vieux routier et bon politique. « Tu crains ?» Celui, dit-il, « lionceau, mon voisin. Son père est mort, que peut-il faire ? Plains plutôt le pauvre orphelin. » Il a chez lui plus d'une affaire et devra beaucoup au destin s'il garde ce qu'il a sans tenter de conquête. Le renard dit, branlant la tête, « Tel orphelin, seigneur, ne me font point pitié. Il faut de celui-ci conserver l'amitié ou s'efforcer de le détruire avant que la griffe et la dent lui soient crues et qu'il soit en état de nous nuire. N'y perdez pas un seul moment. J'ai fait son horoscope. Il croîtra par la guerre. Ce sera le meilleur lion pour ses amis qui soient sur terre. Tâchez donc d'en être, sinon tâchez de l'affaiblir. » La harangue fut vaine. Le sultan dormait lors. Et dedans son domaine, chacun dormait aussi. Bête gens. Tant qu'enfin, le lionceau devient vrai lion. Le tocsin sonne aussitôt sur lui. L'alarme se promène de toutes parts. Et le vizir, consulté là-dessus, dit avec un soupir, « Pourquoi l'irritez-vous? La chose est sans remède. En vain, nous appelons 1000 gens à notre aide. Plus ils sont, plus ils coûtent. Et je ne les tiens bons qu'à manger leur part des moutons. Apaisez le lion. Seul, il passe en puissance ce monde d'alliés vivant sur notre bien. Le lion en a 3 qui ne lui coûtent rien, son courage, sa force, avec sa vigilance. Jetez-lui promptement sous la griffe un mouton. S'il n'en est pas content, jetez-en davantage. Joignez-y quelques bœufs. Choisissez, pour ce don, tout le plus gras du pâtirage. Sauvez le reste ainsi. » Ce conseil ne plut pas, il en prit mal, et force états voisins du sultan en pâtirent. Nul n'y gagna, tous y perdirent. Quoi que fît ce monde ennemi, celui qu'il craignait fut le maître. Proposez-vous d'avoir le lion pour ami, si vous voulez le laisser croître. Fin de Le Lion. Première fable du livre 11 des fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Les dieux voulant instruire un fils de Jupiter. Fable 2 du livre 11e des fables de Jean de La Fontaine. Une expression vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les dieux voulant instruire un fils de Jupiter. Pour Monseigneur le duc du Maine. Jupiter eut un fils qui, se sentant du lieu dont il tirait son origine, avait l'âme toute divine. L'enfance n'aime rien. Celle du jeune dieu faisait sa principale affaire des doux soins d'aimer et de plaire. En lui, l'amour et la raison devancèrent le temps dont les ailes légères n'amènent que trop tôt, hélas, chaque saison. Flore, au regard riant, aux charmantes manières, toucha d'abord le cœur du jeune Olympien. Ce que la passion peut inspirer d'adresse, sentiment délicat et rempli de tendresse, pleurs, soupirs,

il n'était point d'asile où l'avarice des Romains ne pénétra alors et ne porta les mains. Le député vint donc et fit cette harangue. Romains, et vous, Sénat, assis pour m'écouter, je supplie avant tout les dieux de m'assister. Veuille les immortels, conducteurs de ma langue, que je ne dise rien qui doive être repris. Sans leur aide, il ne peut entrer dans les esprits que tout mal et toute injustice. Faute d'y recourir, on viole leur loi. Témoins, nous que punit la romaine avarice. Remet par nos forfaits, plus que par ses exploits, l'instrument de notre supplice. Craignez, Romains, craignez que le ciel quelque jour ne transporte chez vous les pleurs et la misère, et mettant en nos mains, par un juste retour, les armes dont se sert sa vengeance sévère, il ne vous fasse, en sa colère, nos esclaves à votre tour. Et pourquoi sommes-nous les vôtres? Qu'on me dit, en quoi valez-vous mieux que cent peuples divers? Quel droit vous a rendu maître de l'univers? Pourquoi venir troubler une innocente vie? Nous cultivions en paix d'heureux champs, et nos mains étaient propres aux arts, ainsi qu'au labourage. Qu'avez-vous appris aux Germains? Ils ont l'adresse et le courage. S'ils avaient eu l'avidité comme vous et la violence, peut-être en votre place ils auraient la puissance et sauraient en user sans inhumanité. Celle que vos prêteurs ont sur nous exercée n'entre qu'à peine en la pensée. La majesté de vos autels elle-même en est offense, car sachez que les immortels ont les regards sur nous. Grâce à vos exemples, ils n'ont devant les yeux que des objets d'horreur, de mépris d'eux et de leur temple, d'avarice qui va jusqu'à la fureur. Rien ne suffit aux gens qui nous viennent de Rome. La terre et le travail de l'homme font pour les assouvir des efforts superflus. Retirez-les. On ne veut plus cultiver pour eux les campagnes. Nous quittons les cités. Nous fuyons aux montagnes. Nous laissons nos chères compagnes. Nous ne conversons plus qu'avec des ours affreux, découragés de mettre au jour des malheureux et de peupler pour Rome un pays qu'elle opprime. Quant à nos enfants déjà nés, nous souhaitons de voir leur jour bientôt borné. Vos prêteurs au malheur nous font joindre le crime. Retirez-les. Ils ne nous apprendront que la mollesse et le vice. Les germains comme eux deviendront gens de rapine et d'avarice. C'est tout ce que j'ai vu dans Rome à mon abord. N'a-t-on point de présent à faire, point de pourpre à donner? C'est en vain qu'on espère quelque refuge aux lois. Encore leur ministère a-t-il mille longueurs. Ce discours un peu fort doit commencer à vous déplaire. Je finis. Punissez de mort une plainte un peu trop sincère. » À ces mots, il se couche, et chacun étonné admire le grand cœur, le bon sens, l'éloquence du sauvage ainsi prosterné. On le créa patrice, et ce fut la vengeance qu'on crut qu'un tel discours méritait. On choisit d'autres prêteurs, et par écrit, le Sénat demanda ce qu'avait dit cet homme pour servir de modèle aux parleurs à venir. On ne sut pas longtemps à Rome cette éloquence entretenir. Fin de Le Paysan du Danube. Fable 7 du livre 11e des Fables de La Fontaine. Cette œuvre vocale appartient au domaine public. Le vieillard et les trois jeunes hommes. Fable 8 du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le vieillard et les trois jeunes hommes. Un octogénaire plantait. Passe encore de bâtir, mais planté à cet âge. » Disaient trois jouvenceaux, enfants du voisinage. Assurément, il radotait. « Car, au nom des dieux, je vous prie, quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir? Autant qu'un patriarche, il vous faudrait vieillir. À quoi bon charger votre vie des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous? Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées. Quittez le long espoir et les vastes pensées. Tout cela ne convient qu'à nous. » « Il ne convient pas à vous-même, » repartit le vieillard. « Tout établissement vient tard et dure peu. La main des parcs blêmes de vos jours et des miens se joue également. Nos termes sont pareils par leur courte durée. Qui de nous, des clartés de la voûte azurée, doit jouir le dernier? Est-il aucun moment qui vous puisse assurer d'un second seulement? Mes arrière-neveux me devront cet ombrage. Eh bien, défendez-vous aux sages de se donner des soins pour le plaisir d'autrui? Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui. J'en puis jouir demain et quelques jours encore. Je puis enfin compter l'aurore plus d'une fois sur vos tombeaux. » Le vieillard eut raison. L'un des trois jouvenceaux se noya dès le port en allant à l'Amérique. L'autre, afin de monter aux grandes dignités dans les emplois de Mars servant la République, par un coup imprévu, vit ses jours emportés. Le troisième tomba d'un arbre que lui-même il voulut hanter. Et, pleuré du vieillard, il grava sur leur marbre ce que je viens de raconter. Fin de Le vieillard et les trois jeunes hommes. Fable 8 du livre 11e des Fables de La Fontaine. Cette œuvre vocale appartient au domaine public. Les souris et le chat huant. Fable 9 du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les souris et le chat huant. Il ne faut jamais dire aux gens « Écoutez un bon mot, voyez une merveille. » Savez-vous si les écoutants feront une estime à la vôtre pareille? Voici pourtant un cas qui peut être accepté. Je le maintiens prodige, et tel que d'une fable il a l'air, et les traits encore que véritables. On a bâti un pin pour son antiquité, vieux palais d'un hibou, triste et sombre retraite de l'oiseau qu'Atropos prend pour son interprète. Dans son tronc caverneux, miné par le temps, logeait, entre autres habitants, force souris sans pied, toutes rondes de graisse. L'oiseau les nourrissait parmi des tas de blé, et de son bec avait leur troupeau mutilé. Cet oiseau raisonnait, il faut qu'on le confesse. En son temps, aux souris le compagnon chassa. Les premières qu'il prit du logis échappé, pour y remédier, le drôle estropia tout ce qu'il prit ensuite, et leurs jambes coupées firent qu'il les mangeait à sa commodité, aujourd'hui l'une et demain l'autre. Tout manger à la fois, l'impossibilité s'y trouvait, joint aussi le soin de sa santé. Sa prévoyance allait aussi loin que la nôtre. Elle allait jusqu'à leur porter vive et grain pour subsister. Puis, que Cartésien s'obstine à traiter ce hibou de montre et de machine, quel ressort lui pouvait donner le conseil de tronquer un peuple mis en mue? Si ce n'est pas là raisonner, la raison m'est chose inconnue. Voyez que d'arguments il fit. Quand ce peuple est pris, il s'enfuit. Donc, il faut le croquer aussitôt qu'on le happe. Tout? Il est impossible.